Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Voir, entendre, sentir, toucher. Regarde ailleurs. Partageons les couleurs et les différences. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Les attentats de Bali, revendiqués par la Jemaah Islamiyah, ont porté des coups très durs à l'économie balinaise qui repose à 90% sur le tourisme. En octobre 2002, une voiture piégée pulvérise deux discothèques. En octobre 2005, des kamikazes dévastent trois restaurants fréquentés par les touristes. Les attaques font 23 morts et replongent Bali dans la crise. Jean Couteau, français expatrié depuis plus de 30 ans à Bali, s'interroge sur ces manifestations de l'islam en Indonésie. L'Indonésie, si on devait parler aujourd'hui des grands problèmes auxquels doit faire face l'Indonésie, quels sont-ils ? Alors, sur le plan, il y a un fondement économique, c'est la redistribution de la richesse nationale d'une manière à peu près égale dans l'ensemble, disons, de l'archipel. Ça, c'est le principal problème. Le second problème, c'est structurer de manière encore plus forte, de manière encore plus institutionnelle, l'équilibre actuel qu'il y a entre les musulmans orthodoxes d'un côté, ou semi-orthodoxes d'un côté, et l'alliance de tous les autres de l'autre côté. En Indonésie, l'équilibre politique actuellement, vous avez d'un côté les chrétiens, les bouddhistes, les chinois, les semi-islamisés et les musulmans modernes, il y en a beaucoup aussi. Et de l'autre, vous avez sur le plan sociologique en tout cas, des gens qui demandent une réislamisation de l'Indonésie. Et il est fort possible, disons, que cet équilibre se maintienne. Et le futur du pays dépend de cet équilibre. D'ailleurs, beaucoup d'Indonésiens musulmans disent que leur islam, c'est le véritable islam. Ils disent que si le prophète s'est manifesté en Arabie Saoudite, je l'ai entendu combien de fois de mes oreilles, c'est pas parce que l'Arabie Saoudite est bénie de Dieu, c'est précisément parce que l'Arabie, c'est un espace, c'était l'espace le pire qui soit. Donc c'est pour ça que le prophète s'est manifesté en Arabie. Et actuellement, on a en Indonésie, moi je connais des intellectuels indonésiens, je connais par exemple le recteur, disons, de l'université IAIN de Jakarta. D'abord, il comprend parfaitement pourquoi les Français ont interdit le voile, hein, le hijab. Il comprend très bien pourquoi les Français interdisent le hijab. Par ailleurs, il me disait, lorsque je l'ai vu la dernière fois, il me disait qu'à Jakarta, ils reçoivent beaucoup d'intellectuels musulmans du Moyen-Orient qui, dans leur pays d'origine, ne peuvent pas parler et qui peuvent s'exprimer ici en Indonésie. Donc il n'est pas impossible qu'en Indonésie, on soit en train de mettre sur pied, disons, un islam... Un islam ouvert. Je ne suis pas nécessairement pessimiste. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. Depuis 40 ans, 35, 40 ans, ici en Indonésie, est-ce qu'on voit une emprise plus forte, plus prégnante de l'islam ? On voit un peu ce qu'on voit dans le monde entier en réalité. C'est une transformation, disons, de la structure des identités. Autrefois, il y a 30 ans, 40 ans, l'aspect religieux de l'identité des personnes, des individus, était mineur. C'était l'identité citoyenne, disons ici l'identité nationale, qui avait la primeur. En dessous, il y avait les identités ethniques, et puis finalement l'identité religieuse. Et maintenant, c'est en train de, dans certains espaces en Indonésie, c'est en train de se transformer. Disons, l'identité religieuse est en train de prendre le dessus, pas seulement auprès des musulmans, mais aussi auprès de certains hindous et auprès de beaucoup de chrétiens. Alors ça, c'est une, Mais c'est une mutation qu'on trouve partout dans le monde. Hein. La globalisation, qu'est-ce que c'est en réalité? D'une part, ça fabrique des gens extrêmement ouverts. Et d'autre part, pour tous ceux qui sont secoués par les mutations que la globalisation implique, il y a des réactions identitaires très fortes. On le voit très bien en France, en réalité. Hein. Et on voit ce phénomène aussi en Indonésie. C'est un combat, en réalité. C'est un combat qui n'est pas perdu. Hein. Mais le maintien de l'unité indonésienne dépendra, disons, de la manière dont ce combat sera mené. Hein. En France, on tend, peut-être parce qu'il y a le rôle de la tradition marxiste, moi je suis un vieux trotskiste autrefois en tout cas, on tend à mettre en exergue un peu trop les conflits en réalité. Hein. On ne veut pas voir l'inverse, c'est-à-dire les gens qui mettent pas ça en avant. Ici c'est l'inverse. Ici on ne pense pas par conflit, on passe plutôt par consensus. C'est parfois très irritant, mais c'est une réalité historique, sans vouloir essentialiser cette différence, hein, parce que ça peut changer. Par exemple, donc comment ça on réfléchit par consensus ? Les gens, par exemple, si vous êtes en train de discuter avec quelqu'un, si vous êtes en France, c'est le plus gueulard qui va l'emporter, même s'il n'a rien à dire. Ou le plus charismatique. Ou le plus charismatique, oui. Ici, le type qui a le plus de choses à dire ne va pas nécessairement, disons, prendre la parole. Par contre, s'il est vieux, s'il est d'une caste élevée ou d'une famille richissime ou considérée à Java ou ailleurs, lorsqu'il s'exprime, personne ne va prendre le contre-pied. Et surtout, personne ne va prendre le contre-pied avec véhémence. Hein. La véhémence dans l'affirmation de la, des opinions n'est pas quelque chose d'apprécié en Indonésie. J'ai vu des choses extrêmement bizarres, par exemple. Je vous disais tout à l'heure que j'étais membre du steering committee d'une organisation culturelle à Jakarta. Donc il m'arrivait de me trouver dans des réunions dans lesquelles il y a des activistes de la démocratie indonésienne et des membres de l'ancien régime, du régime militaire. Lorsque ces gens se trouvent dans une réunion, à qui donne-t-on la présidence, disons, de la réunion? On donne la présidence de la réunion au plus vieux et celui qui a le pouvoir traditionnel le plus élevé. Et on a l'impression que tout se passe bien. Mais lorsqu'on sort, alors là, c'est la bagarre. C'est-à-dire, entre gens bien élevés, tout se passe très bien, mais avec les grassroots, comme on dit en anglais, c'est beaucoup plus confus. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage. Regarde ailleurs. Chemin le plus court pour se découvrir soi. Jean Couteau, après tout ce temps passé ici en Indonésie, on peut dire que vous êtes riche de cette double culture, française mais aussi indonésienne. Qu'est-ce qui fait qu'on reste ici, en Indonésie? Parce que vous auriez pu faire le choix de retourner en France. Disons, sur le plan personnel, j'aimerais bien aller en France parfois. Je me suis aperçu lorsque j'ai eu une opération cardiaque, qui n'était pas à Paris, c'était dans la région nantaise, je me suis aperçu des charmes de la France. Les espaces urbains sont magnifiques. J'étais dans une ville moyenâgeuse, c'est d'une grande beauté. Les gens sont un peu grincheux, mais j'étais parfaitement satisfait de la manière dont on s'est occupé de moi, je veux dire. Mais ce qui fait qu'on reste en Indonésie, c'est effectivement l'exercice d'une double identité. Ma femme enseigne dans une université ici, à Denpasar. Elle est d'origine musulmane. Et moi, je parle de choses qui ne sont pas pertinentes en France. J'ai dépassé le stade auquel on acquiert de la connaissance d'un pays du tiers-monde pour faire une thèse de doctorat et avoir un poste à l'université. Vous avez passé l'âge de la retraite ici, non? Enfin, en tout cas en France. Ce qui est un peu le problème, je suis condamné à vivre de ma plume, ce qui est une bonne chose. Comme je vis de mieux en mieux de ma plume, ça va. Pourquoi condamné à vivre de votre plume? Parce que, disons, ce que je fais n'intéresse personne en France. Parce que j'ai fait beaucoup de livres d'art. C'est là essentiellement où j'ai, disons, gagné mon pain, qui était du pain blanc pendant un certain temps. Et j'ai vu d'autres types d'art apparaître qu'en Europe. J'ai vu un autre modernisme apparaître ici, qui n'est pas reconnu ou pas encore reconnu en Occident. Et je me suis vivement intéressé également à l'esthétique balinaise. Je continue à faire des choses à ce niveau. Il y a 3 jours, j'étais à Jakarta pour parler, disons, d'un grand coloriste indonésien, par exemple. Donc c'est plus facile de trouver votre place ici qu'en France. Maintenant, bon, si j'allais en France, je pense que maintenant, j'arriverais de temps en temps à participer à une ou deux causeries au Langzhou ou ailleurs. Mais ici, je n'ai pas cherché ce genre de choses. Les gens viennent me chercher maintenant, ce qui est quand même un gros avantage. J'ai envie, pour terminer, m'intéresser un petit peu au côté touristique et l'évolution de cette île ici, Bali, en 30 ou 40 ans. Donc, à partir de quel moment le tourisme a explosé et pourquoi ? Pourquoi est-ce que quand on pense Indonésie, on pense Bali ? Alors, il y a eu les fantasmes. Et là, je pense que je disais tout à l'heure. Il y a certains anthropologues qui vont vous dire que Bali, c'est une construction des Occidentaux. Il y a un bouquin qui s'appelle... Bali, Invented Paradise, paradis inventé, ce qui est vrai. Mais je pense quand même qu'objectivement, le paradis à Bali n'a pas été uniquement inventé. Sur le plan purement esthétique, lorsque je suis arrivé à Bali, il y avait de la beauté partout. Il n'y avait pas cette espèce de magma urbain. Les seuls endroits qui étaient un peu moches étaient les hôtels. Alors que maintenant, ça tend à être à l'inverse. Ce sont les seuls endroits qui reste beau. Le long des routes, il n'y avait pas de maison. L'architecture était encore une architecture traditionnelle. On était encore une société qui avait été colonisée maintenant, bien sûr. Mais la colonisation avait seulement brisé, disons, les structures étatiques traditionnelles. Les villages, l'espace agraire balinais était resté vivant et vivace. Le régime de la propriété n'avait pas changé. C'était encore dans une très large mesure le village qui contrôlait la terre. Hein. La terre n'était pas devenue une marchandise, comme maintenant. En termes de travail, les gens se collaboraient les uns avec les autres pour réparer leurs maisons. On était dans au niveau purement agraire, on était dans une économie qui était encore largement pré-capitalistique. Or tout ça, ça s'est complètement renversé. Avec le tourisme ? Avec le tourisme, mais aussi sans doute, d'une manière plus générale, avec la modernité. Hein. Je pense que sans le tourisme, on aurait aussi eu des problèmes sociaux considérables à Bali. Mais le tourisme a accéléré certaines mutations. Puis il ne faut pas voir que l'aspect négatif. Le tourisme a donné, disons, des opportunités aux gens de basse caste, par exemple, d'occuper des positions importantes dans l'industrie du tourisme ou bien de se révéler dans l'économie moderne. Ça marginalise, disons, les pressions de la société traditionnelle, qui n'offrait quand même pas ses chances aux gens du commun. Il ne faut pas suridéaliser le Bali traditionnel. Ou si je l'idéalisais tout à l'heure, c'était sur le plan esthétique. Alors chacun sait, disons, que l'esthéticisme, c'est une des maladies, disons, du colonialisme. Donc je suis porteur, d'une certaine manière, des maladies du post-colonialisme. Thank you. Vous disiez que 90% des ressources économiques de Bali proviennent du tourisme, c'est ça ? Non. Disons, sans doute entre 80 et 90% de l'économie du tourisme est contrôlée par du capital extérieur. Il y a un sociologue javanais qui, il y a une vingtaine d'années, a dit que Bali était une colonie de Jakarta. Et ça, ça a commencé à se produire lors de l'ancien régime. En même temps, il ne faut pas penser que les Balinais soient soumis à l'État national indonésien. Les Balinais sont des nationalistes indonésiens. On ne les a pas contraints à devenir indonésiens. Mais il y a une sorte, disons, de quid pro quo à Bali et aussi dans d'autres îles de l'Indonésie, où on a dit à ces minorités, on a dit, l'Indonésie reste un espace non musulmans. Et avec ce quid pro quo, disons, ils ont accepté de devenir indonésiens. Il ne faut pas voir l'Indonésie comme dominée par l'islam. Il faut voir l'Indonésie comme un espace de tension parfois douce entre différents types de populations. C'est ça qui fabrique la démocratie en Indonésie. C'est là qu'il faut donner un aspect institutionnel. C'est tellement compliqué qu'ils sont obligés de s'entendre. Alors que je me trouvais chez moi, je vois arriver un manco, c'est-à-dire un prêtre balinais, qui tout d'un coup me dit, il arrive avec des jeunes qui le soutiennent parce qu'il est très âgé, et il me dit, Pakadek, me dit-il, en utilisant mon nom balinais, est-ce que tu peux m'aider à réunir mes 4 frères ? Je suis surpris, je comprends pas. Alors il insiste, est-ce que tu peux me trouver une formule qui me permettra de réunir mes 4 frères ? Alors, me grattant la tête, je vais dans ma bibliothèque, je lui sors des bouquins avec de l'écriture balinaise et je lui amène et je lui dis, est-ce que ça te suffit ? Il me dit, regarde, il me dit, non, c'est pas du tout ce que je cherche, mais s'il te plaît, aide-moi à trouver mes 4 frères. Et je dis, je comprends pas, explique-moi. Et il me dit, tu sais, je suis maintenant très très vieux. Depuis plusieurs mois, très fréquemment, j'ai un rêve. Je vois un bateau qui arrive la nuit, un bateau avec des voiles blanches. Et dans ce bateau à balancier, se trouvent des hommes habillés tout de blanc. Ils me font signe de venir et chaque fois, je ne sais pas pourquoi, je ne viens pas. Ils s'en vont et je vois le bateau disparaître à l'horizon. Alors, s'il te plaît, aide-moi à réunir mes 4 frères. Et c'est là où tout d'un coup, je comprends ce qui s'est passé. Ils voulaient mourir. Les 4 frères, dans la tradition balinaise, ce sont les éléments des eaux de naissance, c'est-à-dire le cordon ombilical et les autres eaux qui correspondent, ce sont les frères cosmiques du bébé. Et les réunir, c'est retrouver l'état prénatal. Il me demandait donc de lui trouver la clé de sa propre mort. Alors j'étais complètement interloqué. Et je lui dis, écoute, je suis désolé, je peux rien faire pour toi. Et il prend congé, il me quitte, et là, je me retrouve tout seul dans ma chambre. Je m'effondre en chialant, parce que j'avais trouvé dans Pamanku un frère. Jean Couteau, aujourd'hui, donc, qu'est-ce qui occupe vos journées ? Alors, ce qui occupe mes journées maintenant, l'écriture, beaucoup l'écriture. Disons, j'écris beaucoup en indonésien, j'écris aussi en anglais et assez peu en français. Ça m'arrive de temps en temps, quand même. Depuis quelques années, il y a une revue qui s'appelle Le Bagnan, ils me demandent de leur donner des histoires. Alors, je suis très souvent invité pour participer à des discussions un peu partout en Indonésie également. Il est vrai qu'à Ubud, si vous y allez, par exemple, ça, c'est une nouvelle culture occidentale qui est en train d'apparaître dans ces espaces. Vous avez des gens qui viennent de Californie, ils viennent à Bali parce que Bali, c'est l'hindouisme. Ils veulent faire du yoga alors que le yoga, traditionnellement, n'a pas existé à Bali. Donc, ils font du yoga ici et ils ont des brochures imprimées en Californie. Donc, c'est une nouvelle culture, un nouvel Orient qui est fabriqué pour la consommation des modernes. Mais idéologiquement, ça me gêne un petit peu, moi. Des endroits comme Ubud, il y a plus de touristes, finalement, plus de blancs que d'indonésiens. Quelle est la part de pourcentage de touristes ici chaque année sur Bali ? Alors, il y a quelque 3 millions de touristes étrangers. Mais les touristes les plus nombreux, maintenant, ce sont les Chinois. Oui, ils ne sont plus les Blancs. Il ne faut pas s'y faire d'illusions. Si les Balinais n'améliorent pas, disons, la qualité de leur tourisme, de leurs infrastructures en particulier, c'est qu'ils sont garantis d'avoir accès à de nouveaux marchés. Le marché chinois en particulier, qui commence à remplir tous les hôtels du sud de l'île. Après, il y aura le marché indien. Alors, ce qui est un peu dramatique parce que s'il dépendait uniquement, disons, des Occidentaux, il serait obligé de mettre de l'ordre, disons, dans leurs infrastructures. Ubud, par exemple, devrait être interdit aux voitures. Il y a des urgences dans ce domaine. Au Ubud, il y a d'une part, disons, le tourisme de masse et d'autre part, comme on disait tout à l'heure, le New Age. Vous avez des Balinais qui commencent à se faire pousser la barbe, qui deviennent des gourous à l'indienne. Et les Occidentaux, c'est encore le paradis des 68ards ici ou plus du tout ? Je pense que c'est fini maintenant. Disons, il y a des gens qui viennent ici à cause des opportunités économiques qui sont ouvertes, certains jeunes. Il y a aussi que je sache, même si je ne connais pas beaucoup de retraités français, on me dit même qu'il y a pas mal de gens du Front National qui viennent s'implanter à Bali parce qu'ils peuvent continuer à donner des ordres à leurs sauvages ici. Ici, on a aussi des phénomènes un peu thaïlandais, en particulier à Sanur, ici. Les vieux de mon âge qui viennent s'acheter des filles de 18 ans, et je trouve ça assez terrible. Il y a ça, c'est beaucoup moins marqué qu'en Thaïlande, mais je trouve, lorsqu'on parle, disons, des défauts culturels des populations maghrébines à Cologne et ailleurs, ici, on peut voir les défauts culturels des populations occidentales dans les espaces touristiques de l'Asie du Sud-Est. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Regarde ailleurs. Le voyage, chemin le plus court pour se découvrir soi. C'est pas du tout la même culture, mais en même temps, disons dans les espaces islamisés en particulier, les éléments locaux tendent à s'effacer et à être de plus en plus remplacés par une interprétation relativement orthodoxe du texte. Il y a des résistances, mais que le gouvernement ne structure pas pour les raisons que j'évoquais à l'instant. Parce que les cultures locales, c'est précisément ce qui résiste à l'islamisation. Et donc on ne parle pas du tout de laïcité ici, en Indonésie, comme ça a pu être le cas en Europe. Non, disons, dans l'idéologie nationale, il faut comprendre pourquoi ça a été mis en place par les Indonésiens. Dans l'idéologie nationale, il y a l'obligation de se référer au divin. En réalité, c'est un compromis qui a été établi lors de l'indépendance. Au moment de l'indépendance, il y avait, disons, des politiciens musulmans demandaient à ce que l'Indonésie soit déclarée comme étant un espace musulman. Et ça a été refusé par le président de l'époque qui s'appelait Sukarno. Et le compromis, c'était que l'Indonésie n'est pas devenue un espace juridiquement musulman, mais la référence religieuse est restée obligatoire. C'est-à-dire la croyance